Lorsque je dis que la vie de l'homme, ce n'est pas de ses affaires, il faut le savoir pour le réaliser. Aujourd'hui, vous le réalisez un petit peu plus. Un petit peu plus. Qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Il y a 10 ans, votre vie, c'était de vos affaires. C'était des grosses affaires. Aujourd'hui, votre vie devient de plus en plus des petites affaires. Et il y en a parmi vous dont la vie devient tellement des petites affaires que ça devient, comment on dit, presque ridicule. Avant, on pensait qu'on était très intelligent, et maintenant, on commence à s'apercevoir qu'on est pas mal stupide. Avant, on pensait qu'on était très, très créatif, qu'on pouvait brasser des grosses affaires, et maintenant, on n'a même plus l'énergie pour brasser des grosses affaires, puis on n'a même plus l'énergie créative pour développer des petites affaires. Fait qu'imaginez-vous qu'on est pas mal abruti. Donc, la confusion. Avant, on était ingénieur, on était ici, on brassait. On avait un poste. Là, on n'a plus de poste, on est à la poste. Et on s'en va quelque part. Et on ne sait pas où. Alors, comme on est timbré, ça nous énerve. Hein? Inquiétez-vous pas, je suis le plus gros timbre. Mais ça, c'est une illusion. L'intelligence créative ne peut venir à l'homme, ne peut se manifester chez l'homme que lorsqu'il a dépassé les étapes psychologiques de son immaturité égoïque, égocentrique, qui se réfléchit dans la confusion. Donc, tant que l'homme ne sera plus capable d'être confus dans la confusion, de la subir, d'en souffrir, il ne pourra pas vivre et sentir l'intensité de cette énergie créative qui attend un moment opportun, selon les événements de la vie, pour se canaliser. Nous souffrons d'une forte dose, d'une très forte dose d'insécurité. D'une très forte dose d'insécurité. Et cette dose d'insécurité, elle est proportionnelle au manque d'esprit, c'est-à-dire au manque d'énergie dans le mental, dans l'émotionnel, dans le vital, dans la physique. Il est évident que ce n'est pas par la communication verbale, la communication philosophique, par les livres, que l'homme deviendra supraconscient. Il y a d'autres moyens. Et ces moyens ne sont pas connus de l'homme tant qu'il ne les vit pas. Donc, la descente de la conscience supramentale sur la Terre est aussi mystérieuse dans sa phénoménalisation qu'elle put être philosophiquement palatable à des maîtres comme Aurobindo et d'autres qui ont parlé d'elle. La conscience supramentale porte en elle le germe de son propre mystère. Elle porte en elle la structure de sa propre cosmogénèse. Elle est inévitablement liée au perfectionnement d'elle-même. Elle ne découle d'aucune façon de conditions imposées sur elle par l'ego. Quand je vous disais durant les séminaires qu'un homme qui se conscientise, qu'un homme conscient ne peut pas être sur la terre heureux, vous commencez à comprendre. Il n'a pas besoin d'être heureux. Il a besoin d'être bien dans sa peau, il est évident. Mais il n'a pas besoin d'être heureux. Être heureux, c'est une violation du contrat entre l'énergie et l'âme. Être heureux, c'est un don gratuit du double qui doit respecter les lois de la mémoire pour permettre à l'homme de subir sur le plan matériel une certaine intelligence, une certaine émotivité astrale qui convient à son tempérament et à son caractère, mais en dehors du contact direct avec le double, mais sous l'impulsion des forces retardataires de l'âme en impulsion. Mais lorsque l'homme entre dans une autre catégorie d'évolution, dans une autre phase d'évolution, il est évident qu'il n'a plus aucun appui psychologique vis-à-vis sa vie émotionnelle et sa vie mentale. Le seul appui qu'il vit, le seul appui qu'il connaît, c'est l'intégration dans son mental, dans son émotionnel, dans son vital et son physique, d'une énergie qu'on appelle l'énergie du double. Et plus cette intégration est avancée, plus le rapport entre le cosmos ou le cosmique ou l'universel et le planétaire se fait, donc plus l'homme entre en relation parfaite avec les différents plans de ses énergies, et plus il devient ce que nous pouvons appeler autonome dans la conscience, autonome dans le pouvoir, autonome dans la créativité, autonome dans le savoir, autonome dans la mémoire, autonome dans la capacité de faire interférence sur une planète à des lois qui vont contre l'évolution. Donc, la confusion que nous vivons dans nos vies, au fur et à mesure que nous nous sensibilisons à la pénétration de l'énergie du double dans l'ego, fait partie de la constriction psychologique de l'ego pour l'élévation des vibrations mentales et astrales de l'âme, afin que se décolore l'astral et qu'il ne reste de l'astral que le centre, le noyau. La traduction en termes psychologiques du phénomène de la confusion, elle est très simple. La confusion est un avertissement dans le temps psychologique de l'homme qu'il y a inversion de la polarité de son émotion et de son mental à un niveau subliminal. Aussitôt que vous vivez la confusion, il y a inversion de votre énergie mentale et de votre énergie émotionnelle. Donc, il y a libération en vous d'une certaine énergie mentale inférieure avec une certaine énergie astrale inférieure. Il y a libération d'une certaine énergie pour la construction d'un véhicule qui deviendra éventuellement le vôtre. Il est évident que nous ne pouvons pas expliquer dans le monde l'importance de la confusion. Vous vous imaginez si j'écris un livre un jour sur l'importance de la confusion? Ce serait ridicule. Parce qu'il vient un moment dans la constatation des faits que la précision avec laquelle l'intelligence supramentale clarifie la relation entre l'âme et l'énergie ne peut pas assujettir l'ego conscient, mais peut assujettir l'ego inconscient, philosophique. L'énergie ne traite pas intelligemment des concepts dont elle se sert pour allumer dans l'homme des foyers. L'énergie traite vibratoirement des concepts dont elle se sert pour allumer dans l'homme des foyers. C'est pourquoi l'instruction d'une conscience supramentale ne peut pas se faire dans le vaste aréna d'une société inconsciente, mais doit se faire dans un aréna limité et meublé, peuplé par des gens qui déjà avancent dans cette conscientisation. Il n'y a pas de logique dans l'intelligence. Et l'ordre de l'intelligence n'est pas un ordre humain, c'est un ordre d'un autre niveau. L'ordre humain est simplement une constatation de fait, selon notre expérience, de la nécessité de ne pas trop souffrir selon les contingences de certains événements. Et ceci est créé par l'ego. Et ceci peut être défait par l'intelligence ou par l'énergie lorsque l'ego est suffisamment vibrant à sa présence. Donc, l'ego doit apprendre un jour à ne pas craindre le désordre apparent que crée l'énergie de l'intelligence. Mais d'un autre côté, l'ego doit apprendre à ne pas interpréter le désordre que crée en apparence l'intelligence dans un autre ego. Je répète. L'ego doit apprendre à ne pas interpréter le désordre que crée l'intelligence ou l'énergie dans un autre ego. Parce que naturellement, s'il fait ceci, il verra dans l'autre ego du désordre au lieu de voir l'expérience vécue par cet ego sous l'impression de l'énergie de l'intelligence. Et automatiquement, si vous voyez dans l'autre une poutre, viendra le jour où vous-même, vous aurez dans votre œil un bio. Ce sont les lois de retour. Donc, l'homme nouveau qui s'apprête à reconnaître graduellement les lois inextricables de l'énergie doit apprendre graduellement à se retirer du jugement des autres qui vivent selon leur expérience, selon leur niveau d'évolution, selon l'approximation de l'énergie avec leur corps subtil, une expérience qui est parallèle. Sans ça, vous ferez très peu de liens réels avec ceux dans le monde qui vous entoure. Vous verrez dans chacun de vous des failles. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas compris que vous-même, un jour, passerez probablement par une expérience qui créera en vous l'expression d'une énergie qui, à son tour, sera reconnue par un autre, jugée par un autre comme étant réellement flyée. Avant que l'homme puisse, dans le monde, porter jugement sur un autre homme, il y a beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et même si vous jugez une autre personne et que vous avez conscience que votre jugement est opportun, qu'il est censé le dire, n'est pas valable. À moins que le dire serve à éduquer d'autres personnes autour de vous dans une psychologie de cette énergie, mais sans attaquer le caractère essentiel de l'être qui vit le déplacement de l'énergie dans ses corps subtils, parce qu'un jour, vous serez accroché vous aussi. Et laissez-moi vous dire que lorsque l'énergie accroche l'ego, qu'elle l'accroche bien l'ego, elle l'accroche très bien l'ego. Autant vous pouvez avoir l'impression que vous êtes suffisamment en maîtrise de vous-même, je vous assure que si vous allez loin dans le développement de la conscience supramentale, vous serez un jour déculotté. Royalement. Et ce sont ceux qui seront royalement déculottés qui, un jour, vivront l'expérience à un autre niveau. Donc, ceux qui portent les culottes, faites attention de ne pas les perdre. Il a été déjà expliqué dans l'évolution de l'homme, dans la période ancienne, que l'homme ne peut pas se permettre de juger un autre homme. Et dans le cadre de la conscience supramentale, c'est encore pire. C'est encore plus onéreux. C'est encore plus délicat. Imaginez-vous que moi, si je vais un jour sur la rue Sainte-Catherine et que je me promène en croix comme ça, pour tester la résistance de mon ego aux autres égos, et que vous, vous êtes là, dans une vitrine chitane, et que vous me regardez comme ça, et que vous me jugez, vous risquez, un jour, aussi, de vivre une expérience parallèle. Moi, je sais pourquoi je fais ça sur la rue Sainte-Catherine. Vous, vous ne le savez pas. Moi, je peux me foutre de la population sur la rue Sainte-Catherine. Mais vous, vous êtes encore dedans. Donc, la confusion sert à éliminer tout ceci dans l'homme, à éliminer la poussière dans l'homme. Et il y a dans l'homme beaucoup de poussière. Et cette poussière empêche l'énergie, la lumière, d'être un faisceau rayonnant. Elle force la lumière à se disperser, à se fracturer. C'est pourquoi il y a dans l'homme de la conscience. Donc, la conscience, c'est la fracturation de la lumière. La supraconscience, c'est le rayon de la lumière. Donc, si vous vivez une conscience, si votre lumière est fracturée, sachez qu'elle n'est pas encore rayonnante. Si elle était rayonnante, vous seriez aujourd'hui créatif. Vous seriez aujourd'hui dans le monde quelque part et vous feriez quelque chose avec votre intelligence créative. Donc, temporairement, votre conscience est rayonnante, est fracturée. C'est avec le temps qu'elle deviendra rayonnante. Et le but de la confusion est de créer ce rayonnement éventuel en créant un champ magnétique dans votre mental, dans votre émotion. Parce que lorsque vous êtes confus, il y a un centre d'énergie qui pulse sur tous vos plans. Et ce centre d'énergie ramasse les pensées. Il ramasse les émotions. Il les transmute. Et éventuellement, il les éteint. Donc, la confusion, c'est comme un phénomène qui absorbe, qui mange les pensées subjectives et les émotions subjectives. Donc, la confusion est un outil créatif du double, et il est vécu chez l'homme comme étant une condition psychologique détériorée, détériorante, qui n'a pas d'intelligence, qui manque d'intelligence, qui manque d'ordre. Et si nous le regardons du point de vue du double, c'est un outil qui sert à manger ce qui, chez l'homme inconscient, crée son état planétaire. Donc, l'homme découvrira avec le temps que la confusion est un état créé en lui par période, très bien mesurée et mesurable. Et lorsqu'elle vient, cette confusion, c'est à lui de vivre, de se mettre au neutre à l'intérieur de la constitution, afin qu'elle puisse balayer, manger les ordures qui font partie de son intellect et de son émotivité. Donc, la confusion, c'est un grand outil, et aussi, c'est une machine à manger ce qui est faux dans l'homme. La psychologie de la conscience supramentale, c'est une psychologie intelligente. C'est une psychologie intelligente, c'est-à-dire c'est une psychologie de l'intelligence. Et comme c'est une psychologie de l'intelligence, ça ne peut pas être une psychologie de l'ego. Donc, ces mécanismes, ces lois, sont totalement contraires à ce que l'ego, psychologiquement, peut interpréter comme étant intelligent. Et vous remarquerez un jour dans votre vie, demain, 5 ans, 10 ans, 15 ans, que ce que vous aviez considéré dans le passé comme manquant d'intelligence, demain, ce sera de l'intelligence. Vous reconnaîtrez un jour que ce que l'ego avait considéré dans le passé comme étant stable, comme étant valable, comme étant bon, dans l'intelligence, sera totalement renversé. Ceci ne veut pas dire que dans l'intelligence, il n'y a pas d'action valable, bonne, etc. Ceci veut dire que dans l'intelligence, les choses sont créées pour le bénéfice évolutionnaire de l'ego, pour le passage de l'énergie, et non pour la catégorisation psychologique de l'action vis-à-vis le mental et l'émotion, en fonction de la mémoire de l'humanité ou de la mémoire de la culture à laquelle l'homme ou l'ego appartient. Et c'est pourquoi, dans ce temps-là, vous serez très obligé de vous assurer que celui qui est dans cette phase d'action, que celui qui est obligé de vivre cette intense relation avec l'énergie et qui n'a pas encore le contrôle de cette énergie, vous serez obligé de ne pas le juger. Si vous le jugez, vous serez repris vous-même dans un coin quelconque de votre vie et vous vivrez une expérience parallèle. Si vous allez vers la conscience supramentale, si vous connaissez la supraconscience un jour, vous aurez reconnu un jour que la confusion, c'est le point dans votre vie où vous apprenez à vous mesurer à votre centricité. La confusion, c'est votre règle de mesure de votre centricité. Moins vous souffrez dans la confusion, plus vous êtes centrique. Donc, moins vous souffrez dans la confusion, plus vous êtes intelligent. Plus vous souffrez dans la confusion, moins vous êtes intelligent, même si vous avez 2 doctorats. La confusion sera demain la règle de mesure de la conscience supramentale sur la Terre, lorsque l'homme sera capable d'être dans son sein, comme le pilote peut être neutre, en voie d'arrêt, à l'intérieur des yeux ou de l'œil du cyclone. Il y a quelqu'un qui me dit ce matin, pourquoi vous ne parlez pas de l'inconscience des gens qui se pensent conscients? Je n'ai pas à parler de l'inconscience des gens qui se pensent conscients. Parce que ce serait revenir sur un terrain qui a déjà été élaboré. Mais je peux dire que le fait de vibrer à l'inconscience des gens qui se pensent conscients, c'est déjà de l'inconscience. Donc, s'il y a autour de vous des gens inconscients et que vous vibrez à leur inconscience, conscience, ou à l'apparence de leur conscience, c'est que vous-même, vous n'êtes pas suffisamment conscient, c'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas suffisamment au-dessus de la divagation psychologique de leurs illusions mentales et émotives. Donc, le problème est avec vous, il n'est pas avec ceux qui sont inconscients dans leur conscience. Ceux qui sont inconscients de leur conscience deviendront demain conscients, supraconscients, demain, 20 ans, 10 ans, 5 ans. L'homme n'est toujours pas pour aller dans le monde et dire « toi, tu es inconscient dans ton inconscient » ou vice-versa, ou inconscient dans ta conscience. Une fois que les hommes connaissent les clés de l'évolution, une fois que les hommes connaissent les clés de l'instruction, ils doivent vivre leur expérience. Il n'y a aucun homme qui puisse vivre son expérience à un certain temps sans réaliser que demain, il sera encore plus conscient, et ainsi de suite. Donc, si on souffre de son inconscience dans une période intérimaire, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas compris que tous les hommes vont vers la perfection, mais dans un temps qui leur convient, qui convient à leur double, et non pas dans un temps qui nous convient à soi-même. Donc, si vous avez envers vous ou en relation avec vous-même des gens qui sont inconscients dans leur conscience, sortez de leur vie. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir avec eux des relations. Personne n'est obligé de se faire casser les pieds par qui que ce soit. Ça, c'est ma réponse à cette question. Vous verrez l'affaire. Vous verrez de l'inconscience dans la conscience pendant des années. Moi, je connais des gens depuis des années et des années, et je vois encore l'inconscience dans leur conscience. Mais il y a dans leur conscience une vibration suffisamment haute pour que l'ego soit suffisamment près de l'énergie. S'il y a des failles dans le rapport de l'énergie avec l'ego, c'est très normal. On ne peut pas demander à l'homme plus que ce qu'il peut vivre. Chaque homme a un plafond et les hommes doivent respecter le plafond des autres. Il y en a qui ont de petits plafonds, il y en a d'autres qui ont des plafonds plus élevés, mais les hommes ont des plafonds. Donc, c'est à chaque homme nouveau qui va vers la conscience supramentale de respecter le plafond des autres. Ça, c'est de la conscience consciente. Et si vous êtes trop haut ou trop élevé en sensibilité pour marcher à l'intérieur de ces maisons qui ont de bas plafonds, mais sortez et marchez dans la rue, vous n'avez pas besoin de vous courber. La conscientisation de l'homme nouveau, c'est un processus sans fin. Il y a un point où il y a équilibre entre l'énergie et les corps subtils de l'homme, mais c'est un processus sans fin. C'est justement à cause de ce processus sans fin que l'homme ne peut pas être heureux sur la Terre, mais il peut être très bien dans sa peau. Et la valeur de ceci est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus amplifiante que être simplement heureux et être assujetti au haut et au bas d'une volonté invisible sur un ego planétaire qui ne connaît pas les lois de l'esprit. Je ne peux pas extoler la confusion. Je ne peux pas dire la confusion, c'est fantastique. Parce que la confusion, c'est une souffrance. La confusion, c'est l'arrêt de l'énergie créative. C'est l'arrêt du mouvement de l'homme. Mais la confusion, c'est un état d'esprit qui doit être compris et qui doit servir à la mesure de la centricité de nos émotions et de notre mentalité. Elle est là, la valeur de la confusion. Lorsque l'homme ne peut plus être confus dans la vie, lorsqu'il ne peut plus être confus par la vie, c'est qu'il a une science de son intelligence. Il est dans la science de son intelligence. Il a la capacité instantanément de voir ce qui lui rapporte égoïquement en tant qu'être humain conscient. Donc, il ne perd pas d'énergie. Donc, ne perdant pas d'énergie, il a beaucoup d'énergie créative. Donc, il peut créer, il peut accélérer le processus d'évolution sur la Terre. Mais tant qu'il n'a pas compris ceci, il ne peut pas. Si nous regardons le phénomène de temps, les longues périodes qui s'étendent et qui s'étendent sur des échelles d'années pour en arriver à avoir ou à vivre un modicum de paix, un modicum de paix, cette maudite paix que chaque être humain sensible, souffrant de l'énergie, désire par-dessus tout, nous découvrons deux éléments. Nous découvrons l'élément de l'exaspération, dont j'ai déjà parlé, et nous découvrons l'élément de la confusion lorsque nous sommes obligés de passer d'un stage vibratoire à un autre stage vibratoire. Donc, dans la confusion, il y a l'exaspération, un va avec l'autre. Et c'est l'exaspération dans la confusion qui fait tourner l'énergie et qui fait penser l'homme et qui fait souffrir l'homme dans l'émotivité. Autant la confusion est le centre magnétique de l'énergie qui s'applique dans le mental, autant l'exaspération, c'est le mouvement rotatif autour de ce centre qui va chercher les pensées et les émotions et qui les fouette sans cesse pour donner à l'ego l'impression d'une interminable relation avec une force qui dépasse son égoïcité humaine, sa condition planétaire, son statu quo planétaire, sa valeur d'homme qui doit être respectée par les forces. Donc, ensuite vient le changement vibratoire. Ensuite vient une plus haute sensibilité à l'énergie, donc une plus haute intelligence. Donc, ensuite vient la capacité à l'ego de se protéger contre l'énergie, afin de vivre le moins possible de confusion, afin de pouvoir un jour vivre et avoir la paix une fois pour toutes. Mais la paix dont nous parlons dans la conscience supramentale, qui est le résultat de l'équilibre entre l'ego et l'énergie, qui est le résultat de la pénétration de l'énergie à travers le mental pour la créativité de l'homme, c'est beaucoup plus que la paix. C'est le résultat de l'équilibre entre ce qui est infini et ce qui est fini. Si l'homme aujourd'hui était donné un grain de paix, si l'homme de la Terre aujourd'hui était donné un grain de paix dans un sens particulièrement profond, il ne pourrait pas le vivre. L'homme n'est pas équipé émotivement et mentalement pour vivre la paix. Il est équipé émotivement et mentalement pour la vivre un petit peu. Et c'est lorsqu'il la vit un petit peu qu'il est bien. Mais s'il la vivait trop la paix, il serait malade. Il serait souffrant dans la paix, parce que dans la paix, il n'y a rien qui soit égoïque. Donc, s'il y a dans l'homme encore des réverbérations égoïques, s'il y a encore de l'énergie mentale et émotionnelle qui tourbillonne, qui se meut, il est évident que l'ego ne pourra pas vivre sa paix, et c'est ce qui se produit dans le monde. Il y a des hommes d'affaires dans le monde qui ne sont pas, même pas capables de se relaxer. Et se relaxer, c'est une forme de paix. Et ils ne sont même pas capables de se relaxer. Ils ne sont pas capables d'arrêter, de sortir du bureau, de sortir de l'activité effarante de leur politique, de leur économie, de leur finance. Ils sont pas capables. Ils sont obligés de prendre des pilules pour s'asseoir. Ils ne sont pas capables de vivre la paix. Et pourtant, cette paix n'est qu'un petit aspect inconscient de cette paix extraordinaire qui résulte de la relation parfaite entre l'ego et le double. C'est ça la paix. Donc l'homme doit être préparé pour vivre la paix et il est préparé à vivre la paix par le phénomène de la confusion. C'est par la confusion que nous entrons dans la paix. Donc, en dehors de la paix, il y a de la confusion. C'est la porte de la paix, la confusion. Si vous êtes capable d'être en paix dans la confusion, vous pourrez être en paix dans la paix. Prends un break. Cette annonce pour les jeunes. Un percussionniste, un batteur. Pas un batteur de femme. Cherche musicien pour former un groupe. Ça s'appelle Claude. 279-66-85. Il y en a un musicien parmi vous autres que je mets, mais je sais pas ce qui est chaud. Je pense que c'est pas ici. Percussionniste. Cherche musicien pour former un groupe. 279-66-85. La prochaine conférence est le 8 mai. C'est un dimanche. La journée du Seigneur. On va être feedback tout à l'heure. Je veux explorer encore un peu plus profondément le phénomène, le domaine de la confusion. Alors, comme je vous disais, la confusion sert à nous tester émotivement et mentalement. Pour nous donner quoi? Une vision plus claire des choses. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une vision plus claire des choses? Une vision plus claire des choses, c'est une vision, pas dans le sens visionnaire, ou dans le sens de l'écran mental, ou dans le sens de l'imagination, mais une capacité d'agir pour notre bien-être personnel. La vision, j'entends souvent des gens qui vont me dire, j'essaie de comprendre au-delà du voile, où j'essaie de comprendre dans l'intimité occulte de la réalité. Il y a des gens qui essaient de comprendre comme de l'autre côté de la dimension spatio-temporelle. Il y a des gens qui essaient de se projeter mentalement de l'autre côté de la dimension spatio-temporelle. Ils essaient de se projeter de l'autre côté de leur expérience. C'est une illusion, ça. C'est une très, très, très grande illusion. C'est une grande illusion parce que on a déjà de ce côté-ci la capacité d'agir ou de vivre en fonction de l'énergie qui est intelligente. À cause du contact entre cette énergie-là et notre mental. Donc, cette énergie-là est déjà de ce côté-ci, par le fait même qu'elle est projetée dans notre corps matériel. Alors, c'est pas à nous d'aller chercher de l'autre côté sa signification. C'est à nous de pouvoir la vivre, de l'intégrer de ce côté-ci. C'est ça qui fait que les gens recherchent, puis que les gens cherchent, puis que les gens essaient de comprendre. C'est toujours le phénomène de la dislocation qui existe chez l'ego. Dislocation dans le sens d'une sorte de bilocation. On dirait que l'ego veut être, vivre la bilocation. Il va être ici, puis il va être de l'autre bord en même temps, puis il pense qu'en étant de l'autre bord, il va pouvoir bien comprendre ce qui se passe ici. Ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Ça, ce sont des illusions astrales. Ce sont des illusions de l'imagination de l'ego. Ce sont des illusions philosophiques. Il faut que l'ego soit immunisé contre ceci. La constatation que nous faisons dans la vie, la constatation que nous faisons dans la vie, vis-à-vis les événements, que nous ne pouvons pas profondément ou à longue échelle comprendre, ce n'est pas pour l'homme un fardeau ou un problème. Ça devient pour l'homme un fardeau ou un problème s'il veut comprendre l'avenir, connaître l'avenir. L'homme n'a pas à connaître l'avenir ou à comprendre l'avenir. C'est sans issue l'avenir pour l'homme. C'est absolument sans issue. Ma connaissance à moi de l'avenir ne me rapporte absolument rien dans mon présent. Absolument rien. C'est simplement un outil dont je me sers pour faire comprendre telle chose à l'homme, pour faire comprendre à l'homme que tout est su et situé. Mais pour moi, personnellement, connaître mon avenir, ça me rapporte à rien égoïquement. Personnellement, ça me rapporte absolument rien. Et l'illusion de l'ego, voulant se sécuriser dans une constatation future ou futurologique, peut très facilement lui enlever la capacité de vivre intelligemment sa vie. Que l'ego cherche à connaître l'avenir avec l'illusion de bien vivre son futur, ou que l'ego vive dans le passé avec l'illusion de bien vivre son présent, les deux illusions s'équivalent. C'est dans le présent, autrement dit, c'est dans la manifestation instantanée de son intelligence que l'ego crée son avenir. S'il le sait, son avenir, c'est simplement du surplus, c'est simplement une configuration psychique de sa clairvoyance, mais il ne verra jamais son avenir exactement comme son avenir doit se projeter, doit se manifester. Jamais. À moins qu'il y ait accès à l'état. Je parle sur le plan matériel. Donc, la confusion dans un autre temps crée une séparation chez l'homme de ce qui est passé et de ce qui est futur. La confusion crée une séparation de ce qui est passé et ce qui est futur. Parce que chez l'homme, chez l'ego, je suis conscientiste, il y a toujours un petit peu de futur, un petit peu de passé en lui. Il y a seulement une chose qui peut couper le cordon ou la corde, ou cet axe. Futur et passé, c'est la confusion. Dans la confusion, tu sais pas où te mettre. Tu sais pas quoi faire. Pour voyager le futur, c'est pas quoi prendre dans le passé, pour te référer au présent. C'est ça la confusion. Donc, pour un homme qui se conscientise, être capable de vivre la confusion intégralement, dans le sens de s'arrêter dans une conscience présente et vivre l'énergie de cette confusion, c'est très important parce que c'est comme ça qu'il coupe le lien entre le futur et le passé. Et c'est ça que je vais dire. La psychologie de la relation ou la psychologie de l'équation du futur et du passé est très importante. Parce que l'homme, subliminalement, sans s'en rendre compte, crée son futur en fonction de son passé. Vit son passé en relation avec son futur. Je vous donne un exemple très, très précis qui tombe dans l'occulte. Prenons le phénomène du Christ. Par exemple, le Christ a vécu dans le passé. Ses enseignements ont été diffusés dans le monde. Un peu de ses enseignements sont revenus jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Mais l'homme aujourd'hui, qui est dans la conscience ou dans la supraconscience, dans son intelligence, ne peut pas vivre en fonction soit de la personnification de cet être-là, ou en fonction de l'enseignement de cet être-là. Parce que s'il vit en fonction de la personnification de cet être-là, ou en fonction de l'enseignement de cet être-là, il vit en fonction d'une mémoire. Donc, il vit en fonction d'une émotion dans son mental. Donc, automatiquement, il est assujetti au passé, et il essaie d'intégrer dans le présent, qui est instantanément neuf, une condition psychologique qui relève des données psychologiques d'une humanité qui déjà est révolue. Donc, il se nourrit d'un remède qui, dans le passé, avait une vertu, mais qui dans le présent ne peut plus servir à la supraconscience, parce que la supraconscience n'est plus réflective. Et pas réflective, le supraconscient. Tiens, c'est pour toi, cette étiquette. Là que tu racontes. Ouais, toi. Donc, la supraconscience n'est pas réflective. Et n'étant pas réflective, elle ne peut pas utiliser le matériel qui a été donné à l'humanité dans le passé, et elle ne peut pas en plus se servir de l'image de tel ou tel individu, dont dans le cas, c'est le Christ, pour magnifier absolument la condition psychologique de sa relation intelligente vis-à-vis de l'enseignement du passé. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que l'homme ne pourra jamais repousser les frontières de l'absolu tant qu'il sera attaché au passé ou à l'avenir. Et s'il ne repousse pas les frontières de l'absolu, il ne pourra jamais comprendre la dimension de son intelligence. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être capable de centrer dans sa matière l'énergie de son intelligence pour le bénéfice de l'humanité. Ou pour le bénéfice de lui-même, qui devient le bénéfice de l'humanité. Parce qu'il aura toujours le besoin de se sécuriser par l'imagination et la valeur temporelle des mots qui, dans le passé, avaient été donnés, parlés à l'humanité pour des besoins des corps que l'humanité, dans une très grande généralité, ne comprend pas. La conversion de l'énergie de l'intelligence en parole supraconsciente démentit la totalité de la mémoire de l'humanité. Donc, élève les individus dans le passé qui ont été de caractère initiatique à un niveau de compréhension qui ne peut pas être appelé dans une conscience instantanée une cosmogénèse. Ça ne peut être appelé qu'une cosmogénèse ou faire partie d'une cosmogénèse qu'en fonction de la mémoire, qu'en fonction de la subjective interprétation par des moyens psychiques ou autres vécus par des individus pour le bénéfice d'une humanité naissante, exemple la cosmogonie d'Urantia. C'est très subtil ce que je vous dis là. Un jour, l'homme découvrira, l'homme supraconscient, découvrira que la liaison entre le mortel et l'infinité est aussi infinie que la liaison entre le cosmique et le planétaire. Donc, la liaison entre le mortel et l'intelligence étant une liaison d'énergie, la totalité de la pénétration de cette énergie-là dans la matière mentale de l'homme, dans l'ego, est équivalent à la destruction de l'imagination astrale de l'humanité et automatiquement équivalente à la destruction de toute la mémoire de l'humanité pour la création, dans l'instantanéité du mot ou de la parole parlée, d'une vibration qui altère le conscient de l'homme ou l'inconscient de l'homme pour le rendre supraconscient. Si vous ne comprenez pas, occupez-vous-en pas, c'est pas grave.